السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يقول تركي شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، il dit dans son excellent livre Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid, chapitre 2, il fait partie de l'association de porter un anneau et un fil ou autre afin de dissiper un malheur ou de le repousser. Wa qawli llahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbi Allah 'alayhi tawakkalu al-mutawakkilun. Il cite ensuite, il continue, il dit: et de la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction rapprochée du sens est: dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ses divinités pourraient dissiper son mal? Ou, s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dit, Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Surat Zumar, verset 38. يقول العلامة الشيخ السلفي صالح الفوزان حفظه الله تعالى شارحا هذا الباب. Donc l'explication du très savant Cheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit en explication de ce chapitre: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد وهو التماس رفع الضر أو دفعه من غير الله للتحذير منه. Le rapport, ou plutôt le caractère opportun de ce chapitre quant au livre de l'unicité, est qu'il comprend la mention de certaines choses qui s'opposent à l'unicité. Et c'est de chercher la dissipation du mal ou son repoussement d'autres qu'Allah. Et ce, afin de mettre en garde contre cela, car on connaît l'unicité par son contraire. Mina shirk, comme il fait son habitude, Cheikh Al-Fawzan, il explique les terminologies, les termes, et il dit: mina shirk min tab'idiyya. On avait dit que min a la différence sens dans la langue arabe. Ici, c'est min al-tab'idiyya. Ou comme on dit en arabe, min al-tab'id. Ay mina shirk al-akbar in i'taqada an hadi al-ashya'a tanfa'u ou tadurru bi dhatiha. Ou mina shirk al-asghari in i'taqada annaha sababun lil-naf'i. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il explique le premier terme, il dit menashirk. Parce qu'on a dit chapitre quoi, bab, menashirki, labsu al-halqati wal-khayti wa nahwihima li raf'i al-bala'i aw daf'ih. Chapitre, il a son importance, le tarjama ici a son importance, chaque mot a son importance. Menashirk, le min ici, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est tab'idiyya. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le min al-tab'idiyya. Le min ici est le min de partition. Min l'ittab'id. C'est-à-dire que cela fait partie de l'association majeure s'il croit que ces choses lui font du bien ou du mal, par elles-mêmes. Ou cela fait partie de l'association mineure si c'est une cause de bien ou de mal. Vous avez compris la différence entre les deux, hein? On dirait peut-être des frères qui se posent la question, qui disent: comment ça se fait qu'on a cité un verset de Sourate Zumar qui est sur le shirk akbar, comment ça se fait qu'on le cite? C'est ça, c'est notre âme. Donc on a dit qu'il faut faire la différence entre les deux. Il n'y a pas de micro ici dans la mosquée, donc essayez d'être concentré, inshallah. And the radio? Le min ici est un min de partition, min al-tab'id, c'est-à-dire que ça fait partie de l'association. Maintenant, est-ce que c'est l'association majeure ou c'est l'association mineure? L'association majeure, s'il croit que ces choses lui font du bien ou du mal par elles-mêmes. Ou cela fait partie de l'association mineure, si c'est une cause de bien ou de mal. Al-halqa, kullu shay'in mustadir. Al-halqa, l'anneau, c'est toute chose circulaire. Wa nahwihima min kulli ma yulbasu ou yu'allaku li hadha al-gharad. Wa nahwihima ou autre chose. En arabe, nahwihima, il y a un damir ici, que damir tathniya, qui est le duel, le pronom duel ici, de dualité qui revient à autre chose que ces deux choses. Parce qu'on a parlé de quoi? De l'abs al-halqa wal-khayt. Donc, wa nahwihima, ou autre chose que ces deux choses. Parmi toutes les choses qui se portent ou sont accrochées à cette fin, dans ce but. Raf'ul bala, izalatuhu ba'da nuzulihi. Raf'ul bala, la dispersion du mal après qu'il soit survenu. Donc vous avez compris ici la différence, et on va voir, entre raf'ul bala wa daf'u. Raf' wa daf'. Il dit le cheikh, raf'ul bala, c'est إزالته بعد نزوله. La disparition du mal après qu'il soit survenu. ودفعه, l'empêcher avant qu'il ne survienne. دفعه منعه قبل نزوله. أفرأيتم أي أخبروني. أفرأيتم, voyez-vous, c'est-à-dire informez-moi. ما تدعون, تسألون جلب الخير ودفع الضر. Ceux que vous invoquez, c'est-à-dire ceux à qui vous demandez l'obtention du bien et le repoussement du mal. Mais un don illah, autre qu'Allah, غيره من الأنداد والآلهة. غيره من الأنداد والآلهة. On avait défini c'était quoi Nid dans un cours précédent. C'est quoi? Qui sait dire? En arabe? نعم سي مفرد أنداد نعم لكن سي كوا ديفينيس سي كوا ما هو النت فدي النصيحة لي فخيغ سي توجور احفظوا التعاريف واحفظوا لا ديفينيسيون دي مشايخ كي دونو تيرم سي دي تيرم دو التوحيد سي دي تيرم دو العقيدة سي امبورطون اون افا ديك سيتي لو باغي ليغال مثل ها سي كوم سا كو طالب علم سي كونستخوي دي مو تو لي نوت تي تي دي لوغ leur définition, c'est très important ça. On avait dit donc min dunillah ghayru min al-andadi wal-aliha, autre qu'Allah, autre qu'Allah parmi les égaux et les divinités. Bidr bimaradin ou faqrin ou bala'in ou shiddatin. Bidr, du mal, c'est-à-dire par une maladie ou une pauvreté ou un malheur ou une adversité. هل هن كاشفات ضره اي لا تقدروا على ذلك. هل هن كاشفات ضره, est-ce que ces divinités pourront dissiper son mal, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de cela. حسبي الله اي الله كافيني وكافي من توكل عليه. حسبي الله, الله me suffit, c'est-à-dire Allah me suffit et suffit à ceux qui placent leur confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le ma'na al-ijmali l'aya, ay ayat al-zumar, ya'muru Allah nabiyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yas'ala al-mushrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allah. Hal taqdiru ala al-naf'i wa'ad-dur, fala budda an ya'tarifu bi'ajzih an dalik, fa'idha kana kathalika batulat ibadatuha min dunillah. Le sens général du verset. Allah ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de questionner les associateurs. Mais de quel genre de question? D'une question réprobatrice. C'est-à-dire une su'al inkar. Au sujet de leurs idoles qu'ils adorent avec Allah, sont-elles capables de faire du bien ou du mal? Ils se doivent de reconnaître qu'elles en sont incapables. Et donc, si tel est le cas, leur adoration est en dehors d'Allah est alors caduque. Ma yustafadu min al-aya. Al-fa'idatu al-ula, بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفع لعبادته لعابده عفوا لعابده. Donc le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans le verset une preuve de la caducité, de la fausseté de l'association. Et porter un anneau ou un fil ce que l'on tire comme bénéfice, je répète, le premier bénéfice. بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفع لعابده. Ce que l'on tire comme bénéfice du verset, le premier, c'est la caducité de l'association, ou si vous voulez, la fausseté de l'association, car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne possède ni un mal, ni un bien pour son adorateur. لعابده. La mise en garde, deuxième point, التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو دفع الضر أو الضر. La mise en garde contre le fait de porter un anneau ou un fil ou autre pour l'obtention du bien ou le repoussement d'un mal, car cela est une association du genre voulu des idoles, de ce qui est voulu des idoles. Il a dit le shir ici, أو دفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام من جنس ما يراد من الأصنام التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها. On avait parlé du chapitre باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه التحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب النفع أو للدفع الضر لأنه شرك من جنس ما يراد من الأصنام. La mise en garde contre le fait de porter un anneau ou un fil ou autre pour l'obtention d'un bien ou le repoussement d'un mal, car cela est une association du genre de ce qui est voulu des idoles. Troisième point, le caractère de légiférer, de débattre avec les associateurs afin de réfuter l'association. Quatrième point, dernier point, وجوب الاعتماد على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه. L'obligation de se fier, c'est-à-dire de placer sa confiance en Allah seul et de lui confier toutes les affaires, subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ عن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من المواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. L'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, d'après Imran ibn Hussein, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme ayant dans la main un anneau de cuivre et dit, qu'est-ce? Il dit, je la porte en raison d'al-wahina. On va voir ce que ça veut dire l'wahina, inshallah. Il sallallahu alayhi wa sallam dit alors, retire-la, inza'ha, car elle ne te rajoutera que plus de faiblesse. Et si tu meurs alors qu'elle est sur toi, tu n'auras jamais atteint la réussite. Rapporté par Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission n'ayant pas de mal. يقول شيخ الفوزان حفظه الله تعالى شارح الحديث عمران هو عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي بن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 هجرية بالبصرة. عمران سي عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزرجي un compagnon et fils de compagnon qui s'est converti l'année de Khaybar et mort en l'an 52 de l'Hégire à Bassora. ما هذه استفهام انكار استفهام انكار ما هذه c'est une question de réprobation. الواهنة c'est quoi الواهنة qu'on a dit qu'on allait définir. نوع من المرض يصيب اليد c'est un genre de maladie qui touche la main. انزعها اطرحها والنزع هو الجذب بقوة. انزعها جتلا et un نزع c'est de tirer avec force. وهنا فلا تزيدك إلا وهنا فإنها لا تزيد إلا وهنا تزيدك إلا وهنا. C'est quoi le wahn? C'est la faiblesse. Ma aflaht. Ma aflaht, al falah huwa al fawz wa al dhafar wa al sa'adah. Ma aflaht n'aura pas été la réussite. C'est-à-dire al falah. Qu'est-ce que ça veut dire al falah? C'est la réussite et le succès et le bonheur. Al fawz wa al dhafar wa al sa'adah. Al ma'na al ijmali lil hadith. Donc on est en train d'étudier quel chapitre? Celui qui ne sait pas quel chapitre on est en train de dire, il n'a pas compris le cours, du début jusqu'à maintenant. C'est quoi le chapitre? Je ne le répète pas mot à mot, mais c'est quoi le chapitre? Fait partie? Et voilà, à la suite, c'est juste? Afin! Naam, sahih! Donc maintenant, on est en train de citer quoi dans ce chapitre? On a cité un verset comme preuve de ce qu'il a dit, le cheikh. Puis on a cité après le verset de Surah Zumar, un hadith. Le hadith de qui? Imran ibn Hussein. Imran ibn Hussein, qui l'a rapporté ce hadith? Il est authentique ou pas? Il est authentifié par Al-Hakim et Wafaq al-Dhabi ala dalik. Mes cheikhs, ils disent qu'il est authentique. Donc c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Ben, le hadith, on vient de le dire. Et maintenant, le cheikh, il dit le ma'na al-ijmali le hadith. Le sens général du hadith. Yadkur lana Imran ibn Hussein radiallahu anhuma. Pourquoi il a dit anhuma? Parce que c'est sahabi ibn sahabi. Il est sahabi, fils de compagnon. Compagnon, fils de compagnon. Donc tu fais taraddi anhuma. C'est-à-dire eux deux. موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك والتخليص الناس منه ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها أخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجلها من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة وهو لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Donc le cheikh dit, وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Donc le cheikh dit, cheikh al-Fawzan حفظه الله تعالى, le sens général du hadith, le hadith d'Imran ibn Hussein. Eh bien, c'est qu'Imran ibn Hussein, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous les deux, nous parle d'une prise de position parmi les prises de position du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la lutte contre l'association et dans le fait d'en débarrasser les gens. Cette prise de position est qu'il a vu un homme qui portait un anneau fabriqué de cuivre et le questionna sur la raison qui l'a poussé à le porter. L'homme répondit qu'il le portait afin qu'il le protège contre la douleur. Et donc, il, sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonna de se précipiter à le jeter. Elle a informé que cela ne lui faisait aucun bien, mais qu'au contraire, cela lui nuisait et que cela augmentait la maladie en raison de laquelle il l'avait porté, et plus grave encore que cela, que s'il persistait là-dessus jusqu'à sa mort, qu'il serait privé de la réussite dans l'au-delà également. Alors ici, encore une fois, on dit que cette explication, on l'a choisie parce qu'elle est résumée. C'est un moulakhas. Dans les explications plus détaillées, pour un tafsil, il faut revenir par exemple à l'Qawl Mufid. Cheikh Kitab Tawhid, Cheikh Al-Uthaymin, ou bien Cheikh Al-Hadith, Cheikh Salih Ali, Cheikh d'autres Shurouhat. Parce que les ulama discutent ici, ils disent, est-ce que c'est le soual istifsal ou le soual istinkar, ou le soual inkar? Est-ce que c'est une question pour demander le détail, pour savoir pourquoi il a porté ça? Dans le Mashiach, il sort une règle par rapport à ça. Il dit, l'istifsal qabl al-inkar. Demander le détail, demander l'explication avant de réprouver. Ou est-ce que c'est le soual inkar? Et encore une fois, nous, on se limite à une explication résumée. Après, le frère ou la sœur qui veut plus de détails, qui retrouve aux shuruhat qui sont mubassatah et muwassa'ah. Comme par exemple, et peut-être c'est comme il dit Cheikh Salih al-Suhaymi, il dit que l'aussa'a shuruh à la kitab al-Tawhid, ou à Cheikh Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, le Qawl Mufid. Il est en 1200 pages. En deux volumes. Certaines éditions en ont un gros volume. le rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبه الحديث للباب انه يدل على المنع من لبس الحلقه لدفع البلاء لان ذلك من الشرك المنافي للفلاح. Le hadith indique l'interdiction de porter un anneau afin de dissiper le mal, car cela fait partie de l'association qui s'oppose à la réussite. ما يستفاد من الحديث ان لبس الحلقه وغيرها ان لبس الحلقه الاصل سي وغيرها للاعتصام بها من الامراض من الشرك. Porter un anneau ou autre afin de se protéger au moyen de cela des maladies fait partie de l'association. Deuxième الفائده الثانيه النهي عن التداوي بالحرام. L'interdiction de se soigner au moyen de ce qui est illicite. ثالثا انكار المنكر والتعليم الجاهل. Réprouver le mal et enseigner à l'ignorant. Quatrième point, darar al-shirk fi ad-dunya wal-akhirah. La nuisance de l'association dans ce bas monde et dans l'au-delà. خامسا استفسار المفتي واعتبار المقاصد. La demande de détails de la part du mufti et la prise en considération des intentions. Sixième point. أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. L'association mineure est le plus grand des péchés majeurs. Vous vous rappelez, on a parlé d'une discussion sur le sujet par rapport au shirk asrar. Par rapport à est-ce que ça rentre dans la généralité du verset, que c'est pas pardonné, ou que ça rentre sous la volonté d'Allah. Vous vous rappelez de ça, hein? Non? Personne ne se rappelle? On en a parlé. On a dit que le shirk asrar, c'est quoi la différence? Certains machiris disent que le shirk asrar, il est quoi? Il est pas pardonné. Voilà, la personne qui s'est pas repenti, etc. Quand elle meurt là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il est puni, mais après, ensuite, il ne reste pas éternellement en enfer. Vous vous souvenez de ça? D'accord? C'est ça la différence entre le shirk asrar et le shirk akbar. C'est que j'ai pas le mukhalid finnar, et qui sort de l'islam, etc. Et on avait dit aussi que certains machiris disent que c'est tahta mashi'atillah subhanahu. Vous vous rappelez de ça ou pas? Hein? Oui ou non? Et Cheikh Obed, on avait dit qu'il avait un avis puis qu'il avait changé d'avis. C'est quoi son dernier avis? Hein? C'est sûr? C'est dans quel cours qu'on avait dit ça? Shurut la ilaha illallah. Encore une fois, pourquoi je pose ce genre de questions? Pour vous, chacun il se pose la question à lui-même. Est-ce que j'ai fait des doros ou pas? Si t'étais pas là, khlas, la question elle est répondue par elle-même. Celui qui a assisté au cours, est-ce qu'il revoit à la maison, est-ce qu'il revoit après? C'est important, toujours le meshir, ils disent que quand tu as un daura, tu prends des notes sur le moment même, mais après un certain temps, que tu revois les notes de cette conférence. La même chose quand tu finis un livre. Si tu finis un livre, khlas, le rend sur l'étagère, hein, tu vois pas ce que tu as fait. Il faut que tu revois. C'est pour ça que Salafi, son temps, il est rempli. Il est rempli d'un programme chargé entre ce qu'il doit apprendre, ce qu'il doit revoir, etc. Ce qu'il doit mémoriser, ce qu'il doit revoir, etc. Septième point, on n'excuse pas en raison de l'ignorance au sujet de l'association. Huitième point, la sévérité dans la réprobation à l'encontre de celui qui commet quelque chose qui est du ressort de l'association, et ce afin d'en faire fuir. Dernière partie de ce chapitre, inshallah. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا. Il y a encore un athar après, l'athar de Hudayfa par Ibn Abi Hatim. Donc je répète, وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وكلاهما أو كلتا الروايتين في مسلم أحمد. Le premier c'est rapporté par Ahmed dans son musnad, Ibn Hibban dans le Mawarid, comme fait le Mawarid, et le Hakim dans le Musadrak. Le deuxième par l'imam Ahmed dans le musnad et le Hakim. l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et il a aussi rapporté, d'après Uqbat ibn Amir, qui attribue cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque s'accroche, le S de s'accroche, c'est entre parenthèses, allez voir pourquoi, Inch'Allah, s'accroche une amulette, qu'Allah fasse que ses affaires ne se concrétisent pas. Et quiconque s'accroche une coquille, qu'Allah fasse que ne soit pas dans la tranquillité. Dans une autre version, quiconque s'accroche une amulette aura certes associé. Qu'est-ce que ça veut dire l'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala? Uqbat ibn Amir, huwa Uqbat ibn Amir al-Juhani, صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. C'est qui Uqba ibn Amir? C'est Uqba ibn Amir al-Juhani, compagnon célèbre. C'était un noble jurisconsulte qui fut placé comme gouverneur de l'Égypte par Muawiyah pendant 3 ans. Et il décéda proche de la 60aine. وله أي روى وروى الإمام أحمد وله on a dit tout à l'heure et à lui ou il a aussi c'est à dire l'imam Ahmed a rapporté تعلق تميمة أي علق عليه أو على غير معتقد بها والتميمة خرزات كانت العرب تعلق على أولادهم يتقون بها العين تعلق تميمة il s'accroche une amulette c'est à dire qu'il se l'accroche à lui-même ou à autrui en ayant une croyance, c'est pour ça que j'avais mis le S entre parenthèses, qu'il se l'accroche à lui-même ou à autrui, en ayant une croyance à son sujet. Et At-Tamima sont des perles que les Arabes accrochaient à leurs enfants afin de les protéger contre le mauvais œil. Et vous savez très bien que ce genre de pratiques sont encore très courantes dans certains pays. D'ailleurs, quand j'étais à 2 ans à l'Umra, il y avait quelqu'un qui était à mon avis originaire du Pakistan, qui avait des lanières de cuir avec des amulettes autour. Et les responsables religieux qui sont autour de la Kaaba et dans le Haram, ils étaient là, ils étaient à deux, ils l'ont, avec un policier qui était là avec eux, ils l'ont arraché de force. Il y en a qui l'ont attrapé, qui l'ont fait la siha, il te voyait qu'il paniquait parce qu'il avait peur qu'on lui retire. Et lui, il disait, non, mais grave, Inch'Allah, et puis il disait les Adillah et tout ça, mais en même temps, ils l'ont arraché de force. Hein? C'est ça, Bilad de Tawhid, Zamullah, Khairan. C'est ça le ni'ma de ce pays, comme quand je vous avais raconté cette histoire, quand je voyais qu'il y avait des soufis, des brioulia qui se dirigeaient vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de la qibla pour faire du'a. C'est-à-dire, j'étais chez la police religieuse, je leur ai dit, ils ont dit, matrafe, on s'occupe juste de mettre les lanières de sang, on va s'occuper d'eux après, Inch'Allah. J'ai dit, zakallah khair, comme ça, je suis parti. Alhamdulillah. Ni'ma. Salah, je vous dis, khairan. Zadahum Allah wa hirsa. Donc on a dit, ils accrochaient cela à leurs enfants afin de le protéger contre leur mauvais œil. فلا أتم الله له دعاء عليه بأن لا يتم الله أموره فلا أتم الله له c'est une invocation contre lui qu'Allah fasse que ses affaires ne se concrétisent pas ودعة الودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدفة يتقون به العين أو الصدفة يتقون به العين Wad'atan une coquille, et al-wad'atu c'est une chose qui vient de la mer et qui ressemble au coquillage et qu'il prenait comme protection contre le mauvais œil. Fala wada'a Allahu lah, ay la ja'alahu fi wad'atin wa sukun. Wa aw la khaffafa Allahu anhu ma yakhafuh. Fala wada'a Allahu lah, c'est-à-dire qu'Allah fasse qu'il ne soit pas dans une tranquillité ni une quiétude ou qu'Allah ne lui allège pas ce qu'il craint. Wa fi riwayatin أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر وفي رواية et dans une autre version c'est-à-dire que l'imam Ahmed a rapporté dans un autre hadith المعنى الإجمالي للحديثين c'est quoi les deux hadiths حديث عمران بن حسين et حديث عقبة بن عامر عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره كما أنه صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق ألا يتركه الله في راحة واطمئنان بل يحرك عليه كل مؤذن، وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل، كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أي حديث عقبة بن عامر أن هذا العمل شرك بالله. Le sens général des deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre ceux qui utilisent des amulettes au sujet desquelles ils croient qu'elles vont repousser le mal. Qu'Allah fasse que se réalise le contraire de leur intention et que leurs affaires ne se concrétisent pas. De même, il sallallahu alayhi wa sallam invoque contre ceux qui utilisent des coquilles avec la même intention que la précédente. Qu'Allah ne les laisse pas dans le repos ni dans l'apaisement, mais au contraire qu'il fasse bouger contre eux toute chose nuisible. Et le but de cette invocation est la mise en garde contre cet acte. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, informe dans le second hadith, le premier hadith c'est qui ? Imran ibn Hussein, et le deuxième c'était Uqba ibn Amir, que cet acte est une association à Allah. Munasabatu al-hadithayn lil-bab, le rapport entre les deux hadiths et le chapitre. أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المتعلق لها من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. Le rapport entre les deux hadiths et le chapitre, le hadith d'Imran ibn Hussein et le hadith d'Uqbat ibn Amir, il y a dans les deux une preuve de l'interdiction d'accrocher des amulettes et des coquilles, et que cela est considéré comme une association. Et ce, en raison de ce qui réside dans le cœur de celui qui les accroche comme appui sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديثين ce que l'on tire comme bénéfice des deux hadiths أن تعليق التمائم والودع من الشرك qu'accrocher des amulettes et des coquilles fait partie de l'association. Deuxième point, الفائدة الثانية أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيد قصده. Quiconque place sa confiance en autre qu'Allah, Allah le traitera par l'opposé de ce qu'il avait comme intention. ثالثا الدعاء على من علق التمائم والودع بما يفوت عليه مقصوده بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده. L'invocation contre ceux qui accrochent des amulettes et des coquilles, que ce qu'ils ont comme dessein ne se concrétise pas, que ce qu'ils ont comme but, comme fin, comme dessein, EIN dessein, ne se concrétise pas et que se réalise le contraire de sa volonté. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, يقول المؤلف رحمه الله تعالى لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et ابن أبي حاتم que حذيفة a vu un homme dans la main duquel il y avait un fil afin de se protéger contre la fièvre, et donc il, c'est-à-dire حذيفة, le coupa et récita la parole d'Allah dont la traduction du sens est. Et c'est ça la règle que je voulais citer par rapport à tout à l'heure, que je ne sais pas si je l'ai dit encore dans ce cours d'aujourd'hui ou pas, le fait de citer des versets qui sont sur Shirk Akbar pour ce qui est du Shirk Asrar. On n'a pas parlé de cette règle encore. Hein? Elle va arriver, Inch'Allah. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Surat Yusuf, verset 106. Qu'est-ce que ça veut dire, l'explication de Shirk Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala? ولابن أبي حاتم أي روى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح التعديل ولابن أبي حاتم أد ابن أبي حاتم c'est-à-dire qu'ابن أبي حاتم l'auteur du livre الجرح التعديل a rapporté. C'est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle الجرح التعديل qui est très connu. ابن أبي حاتم عن حذيفة هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين مات سنة 36 هجرية رضي الله عنه. عن حذيفة c'est حذيفة بن اليمان العبسي l'allié des Ansar des auxiliaires, illustre compagnon parmi les tout premiers croyants qui ont précédé, mort en l'an 36 de l'Hégire qu'Allah l'agré. من الحمى أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه. من الحمى contre la fièvre, c'est-à-dire pour se protéger contre la fièvre et que donc elle ne le touche pas comme il le prétend. وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. وتلا il a récité, c'est-à-dire qu'il a lu le verset en l'utilisant comme preuve dans la réprobation de ce qu'il a vu. C'est-à-dire Hudayfa il a récité ce verset comme preuve en l'utilisant comme preuve dans la réprobation de ce qu'il a vu de cet homme-là. ما يستفاد من الأثر أو معنى الأثر إجمالا؟ أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأراد فأزاله عنه منكرا فعله هذا، واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. لسان جنرال دي أثر رابورتي بار ابن أبي حاتم دابخي حذيفة qu'il avait un homme, Hudayf ibn al-Yaman, qui avait attaché à son bras un fil au moyen duquel il cherchait à se protéger contre la fièvre. Et donc il lui a retiré, réprouvant cette action de sa part, et a utilisé comme preuve le verset dans lequel Allah informe que les associateurs regroupent l'affirmation de l'unicité des seigneuries et l'association dans l'adoration. Le rapport entre le Athar et le chapitre. مناسبة الأثر للباب أن في اعتبار لبس الخيط اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. Le rapport entre le Athar et le chapitre باب لبس quoi الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء لرفع البلاء أو دفعه العين شبيت خصص العين أو دفعه تسمى أو دفعه لرفع البلاء أو دفعه بيان الأثر كي سيتي دان سو شابيتر il y a dans ce athar le fait de considérer le port d'un fil afin de repousser un mal comme une association qu'il est obligatoire de réprouver. Ce que l'on tire comme bénéfice de ce athar de Hudayfa رضي الله عنه, cette parole de Hudayfa, cet acte de Hudayfa, يعني cette action de Hudayfa de sa part رضي الله عنه وأرضاه, إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه أنه وأنه شرك. Le premier bénéfice qu'on tire de ce athar de Hudayfa, la réprobation du port d'un fil afin de dissiper un malheur ou de le repousser, et cela est une association. Et que cela est une association. وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. L'obligation d'éliminer ce qui est blâmable pour celui qui a la capacité de l'éliminer. Évidemment, il y a un fiqh par rapport au mafasid de masalih, etc. Ça, ce n'est pas le sujet du cours, mais Cheikh Ubaid, hafidahullah ta'ala, il a expliqué en un volume l'excellente risala de l'amour bil ma'ruf na'il munkar de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. 3. Sihatul istidlali bima nazala fi shirk al-akbar ala shirk al-asghar li shumulihi lah. Très importante règle, ça. Il est correct d'utiliser ce qui était révélé au sujet de l'association majeure, je répète. Il est correct d'utiliser ce qui était révélé au sujet de l'association majeure pour l'association mineure en raison du fait que cela l'englobe. رابعاً أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. Les associateurs affirment l'unicité de seigneurie et malgré cela, ils sont des associateurs car ils ne sont pas sincères dans l'adoration. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wa subhanaka allahumma hamdika wallahu a'lam wa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Une minute parce qu'on a quelques annoncements à faire. On va éteindre la radio, c'est pour juste les gens de Birmingham, inchallah.